Yo, yo, yo, yo. Cloud Projects. Camille. Hein? Chaque jour le respect, faire de sa valeur. Beaucoup de suisseurs, beaucoup d'avaleurs. Ils font que parler, que des beaux parleurs. J'en vois que des grosses startups dans les haut-parleurs. Tout le monde est cramé, qu'on met pétard sur les lèvres. Ça va la peu frac, ils surtout dans des ténèbres. Ils sont prêts à sucer pour être célèbres. Bouteille sur bouteille, chaque soir mes reines on célèbre. Partout cela même, sur tous les terrains. Pour trouver l'inspiration suffit d'en faire un. Faut injection, catin qu'on mène tout terrain. Ça va la peu frac, ça débute dans le souterrain. Ça passe ou ça casse, contact de passeurs. Les os des dealers, grosse équipe de casseurs. On n'hésite pas entre le calibre ou le taser. Photo avant de parler des autres, fermez le cul de ta sœur. Tout en fumette, tout cité jusqu'à l'os. Là, ceux qui roulent des six, ceux qui frites sur le calosse. Posé sur une chaise, ça fait un truc à l'aise. Gros mode devant l'arme, un peu plus personne joue les balèzes. Souvent rien à faire, le cas c'est mort. Sauver des affaires, ouais, la condo tout est mort. Peu de solidarité, ouais, c'est chacun pour soi. Tu veux de la brutalité, nos radines qu'on soit. Ça braque à tout va, ça braque, ça fait comme jamais. Certains ont disparu, nous les reverrons jamais. Tu veux vite tomber, comme une descente en rappel. Ça veut montagne de billets, comme la casa des papels. Pétard sous soleil, grosse paire de casal. Ça tape fort, ça se tire, ça part en nasal. La frappe se fait planer plus loin que la NASA. Dans n'importe quel quartier, je vous sens comme à la casa. Rien à faire, tout le monde tourne en rond comme une horloge. Ça veut du but, ça veut seulement savoir où l'horloge. Ça veut brasser les bons tripes, ça me donne les moyens. Tout ça, c'est top la santé, même si t'en as les moyens. Ça veut le million, avant la quarantaine. Tu sais ce que j'aimerais la foutre de passer à l'antenne. Tu veux de la mesure, je te les envoie par 40. Ça veut des gens, t'en 22 sur le 440. Ils veulent tester, on les baisse plus sec. Rien à perdre à la Walter White. Déterminé comme dans Breaking Bad. Salope, je suis pas l'un de ces faux rappeurs qui tapent dans la white. T'écoutes les rappeurs, c'est dévoyé comme dans les cartels. Ramène TMC, je reprends par ten. Il faut les mecs déterminés, c'est que des grosses folles. Pour tout celui qui veut tester, on le martèle. Ça vient du terre-terre, on vit comme des rats. La rafale peut venir du T-Max ou du Gilera. Ça rêve de grosses villas, ils en ont marre de galérer. Ça veut partir loin du béton, histoire de s'aérer. Y'a trop de folles qui jouent les battants slow cost. Tous les écoutes, ils ont des bidas loca. Ils ont jamais rien fait pour toi, ils parlent de matos. Salope, si tu parles mal, on te pète la boca. Ça met des frappes enveloppées, les pistes sont bloquées. Le bloc plus la piste, ascenseur bloqué. Ça travaille, mais bloqué. KMK floqué, les têtes sont choquées. Quand les narines sont croquées. Y'a pas d'égalité, la justice, mais c'est une grammaire. On essaie de s'en sortir, je viens 4 ans galère. Pour ton TikTok, les plus gros voyous, c'est la BAC. Tu veux nous mettre la trique, et nous va niquer ta mère. On représente Bariole, ça fait du 132. Ça fait des gros face depuis l'époque des R32. Tu veux sortir le 9, c'est du 762. En équipe, il faut les pousser, c'est plus la même quand ils sont deux. C'est pas dit qu'on s'en sort avec le visage ridé. Ouais, c'est tout pour le bif, charbon évidé. Derrière la teuté, ils ont des sales idées. Pas tant que l'on est en jeu, amitié dilapidée. Faut remettre les pendules à l'heure. La France nous aime pas depuis l'époque des tirailleurs. On s'en bat les couilles de ce que la politique en passe. Rien à foutre, on fait comme eux, on prend l'oseille aussi ailleurs. Kilo dans le conteneur, conteneur sur le cargo. On va pas parler français, pourtant on parle argot. Ça sent un gros poli, gros pétard, bago. Ça va du crack comme dans les rues de Chicago. Index, ça donne des go. Ça donne des gars, ça donnerait son pote d'en face comme gâteau. Chacun veut son magot, ça part du gâteau. Lâchant le pouvoir, le système de tes rigato. Ça veut la vie, château, bitch, ils veulent tout tasser. Ils prennent pour des sharks, c'est que des crustacés. Je les vois qui me regardent, visage angoissé. Ça brasse dès le matin, pétard, café, tête froissée.